Le mardi 27 septembre, il est 12h30, voici ce que l'on surveille pour vous dans l'actualité. D'abord, le front commun du taxi a essuyé un second revers aujourd'hui devant les tribunaux. La Cour supérieure, en effet, a rejeté la requête en injonction pour suspendre les activités d'Uber. Le front commun avait déjà perdu une première fois la semaine dernière quand il avait tenté d'annuler l'entente de principe survenue entre le gouvernement et l'entreprise Uber. L'industrie a notamment plaidé l'urgence du dossier, mentionnant que la valeur des permis de taxi avait chuté drastiquement, mentionnant que le projet pilote du gouvernement entre en vigueur officiellement ce jeudi 29 septembre. Et le gouvernement provincial, de même que la Ville de Québec, ont inauguré ce matin la toute nouvelle portion de la promenade Samuel de Champlain, celle qui relie le quai des Cageux au sentier des Grèves vers l'ouest. La phase 2 étant désormais complétée, les randonneurs peuvent rejoindre la plage Jacques-Cartier grâce à un nouveau tronçon de 2,5 km qui est aménagé le long du fleuve. C'est un investissement de 30 millions de dollars. La commission de la Capitale-Nationale met désormais le cap sur la troisième phase de la promenade Samuel de Champlain. Cette troisième phase qui prévoit un prolongement depuis la côte de Sillery jusqu'à la côte Gilmore. La présidente Françoise Mercure est confiante que les travaux de cette troisième phase puissent débuter dans un an, à l'automne 2017, et ce malgré le manque de collaboration qui a été démontrée dernièrement par le Canadien national. Il faut savoir que le projet nécessite le déplacement d'une voie ferrée ainsi que la démolition d'un viaduc appartenant à cette entreprise fédérale. Scène municipale, la popularité du maire Régis Labeaume est à son plus bas, même s'il obtient encore l'appui d'une majorité de citoyens. Son taux de satisfaction se trouve désormais à 70% selon une enquête de la firme Somme rendue publique aujourd'hui. C'est son plus bas taux de satisfaction depuis qu'il est à la tête de la Ville de Québec il y a 9 ans. En 2009, Régis Labeaume avait déjà obtenu un taux de satisfaction record de 89%. Enfin, c'est aujourd'hui que débutent les délibérations au procès d'Alain Perrault. Le juge doit donner cette directive au jury qui sera par la suite séquestré pour déterminer la culpabilité ou non d'Alain Perrault, qui est accusé du meurtre de Lynn Massicotte. Les 5 femmes et 7 hommes qui composent ce jury devront notamment se pencher sur la crédibilité des aveux de l'accusé dans le cadre de l'opération Mr. Big qu'il a visée.